Bouygues Télécom. Thibaut et Tiffaine, de Tours, parents d'ados ultra connectés, ont une connexion très lente qui n'arrête pas de planter. C'est pourquoi à la rentrée, ils souhaiteraient se doter de la fibre, mais pas à n'importe quel prix. Eh bien, Thibaut et Tiffaine, écoutez plutôt. En ce moment, chez Bouygues Télécom, rentrez sans compter avec notre série spéciale fibre, internet, téléphone et télévision pour seulement 14,99€ par mois pendant un an, puis 36,99€ par mois. Oui, la fibre à 14,99€. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre soumise à condition sous réserve d'éligibilité et de raccordement, engagement 12 mois. C'est un voyage dans le temps que nous vous invitons aujourd'hui, mais pas de physique quantique, d'inversion de la variable T ou de DeLorean. Nous allons voyager dans le temps en passant par nos cellules et plus précisément par notre patrimoine génétique, notre ADN. Vous savez sans doute que nous avons ici en Europe environ 2% d'ADN hérité de Néandertal, mais ce n'est pas tout ce que l'ADN moderne peut nous dire de nos origines. Pourquoi digérons-nous le lait alors que d'autres populations ne le peuvent pas? Pourquoi les aborigènes ont-ils la peau sombre et les cheveux crépus contrairement à tous leurs voisins asiatiques? Pourquoi les Basques parlaient-ils une langue non-indo-européenne? Autant de questions qui trouvent réponse dans nos gènes. Evelyne Ayer, des gènes et des hommes et des femmes bien sûr, c'est le programme anthropogénétique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Bonjour Evelyne Ayer. Bonjour. Et nous sommes ravis de vous retrouver en tête à tête à ce micro en ce début de cinquième saison de la méthode scientifique. Vous êtes anthropologue généticienne, professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous publiez en cette rentrée l'Odyssée des gènes, 7 millions d'années d'histoire de l'humanité révélée par l'ADN. C'est aux éditions Flammarion. Nous allons donc remonter l'histoire de l'espèce humaine vue par le prisme anthropogénétique avec vous tout au long de cette heure. Mais pour commencer, on fait d'abord eh bien, le tour de l'actualité scientifique du jour avec le Journal des Sciences et Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer, selon une étude parue hier dans la revue Nature, d'un point de vue immunitaire, les hommes et les femmes ne sont pas égaux face au Covid-19. On le voit depuis le début de l'épidémie, le Covid-19 est plus souvent sévère chez les hommes que chez les femmes. Et la mortalité est aussi plus importante chez les hommes, quel que soit le groupe d'âge et dans tous les pays. Cette étude américaine apporte des éléments de réponse. Les chercheurs ont prélevé des échantillons nasaux, salivaires et sanguins de patients infectés et de patients témoins non infectés. Ils ont observé leur réponse immunitaire et suivi l'activité des lymphocytes T et le taux de cytokines. Alors certes, il s'agit d'une toute petite cohorte de 98 patients avec un âge moyen plutôt élevé d'environ 60 ans. Donc oui, le papier a ses limites, mais il met en lumière des disparités entre les deux sexes en matière de réponse immunitaire. Vincent Dubé est infectiologue au CHU d'Angers. Il y a des petits éléments qui suggèrent que les hommes contrôlent moins bien l'infection. Et notamment, chez les hommes, la durée d'excrétion virale est plus importante que chez les femmes. Hein, la durée pendant laquelle on détecte du virus dans les voies respiratoires est plus élevée chez les hommes que chez les femmes après une infection par Covid-19. C'est une étude qui est vraiment intéressante. En substance, ça nous dit que les hommes ont une sécrétion de cytokines inflammatoires qui est plus importante que les femmes, alors que les femmes ont une réponse cellulaire vis-à-vis du virus qui est plus importante que celle des hommes. Ce qui pourrait expliquer, alors on connaît depuis bien longtemps, on sait qu'une partie de la sévérité du Covid pourrait être en rapport avec ce qu'on appelle un orage cytokinique. Donc en fait, c'est une sécrétion dérégulée de cytokines pro-inflammatoires, de molécules qui vont déclencher de l'inflammation dans le sang. Et donc on a remarqué que ces cytokines pouvaient avoir un effet délétère. Et d'ailleurs, le seul traitement qui a montré un bénéfice en termes de mortalité dans le Covid, c'est les corticoïdes qui vont calmer l'inflammation dans le sang, qui vont diminuer la sécrétion de ces cytokines. Donc ça pourrait apporter des éléments de réponse à ces différences entre les sexes, voilà, sans pouvoir malheureusement donner des pistes thérapeutiques, à mon avis, pour le moment. Voilà, on vous remet le lien vers l'étude publiée dans Nature sur notre fil Twitter @lamedodefc, que vous pouvez retrouver également sur le site de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans Nature Chemical Biology, certaines antivitamines pourraient combattre les bactéries résistantes aux antibiotiques. Et l'antibiorésistance s'accélère et elle est une menace tant pour la santé des humains que pour tout le règne animal. On recherche donc des alternatives aux antibiotiques. Une équipe germano-américaine s'est intéressée aux antivitamines. Comme son nom l'indique, les antivitamines empêchent les vitamines de fonctionner. Les chercheurs ont étudié l'antivitamine naturelle 2, méthoxythiamine, le MTH, que les bactéries produisent pour tuer les bactéries concurrentes. À l'aide de la cristallographie de protéines à haute résolution, l'équipe a exposé E. coli, une super bactérie, à l'antivitamine MTH. Alors, d'une part, le MTH bloque le fonctionnement des protéines de la bactérie, et d'autre part, il ne semble pas avoir le même effet sur les protéines humaines. Selon les auteurs, cette découverte ouvre de grands potentiels thérapeutiques. Selon une étude parue cette fois-ci dans IEEE Photonics Technology Letters, un nouveau record de vitesse de transfert de données vient d'être battu. Une équipe britannique est parvenue à atteindre la vitesse record de 178 terabits par seconde. Pour se faire une idée de l'ordre de grandeur, la fibre optique actuelle transporte jusqu'à 35 terabits par seconde. Donc 178 terabits par seconde, ça signifie que l'on peut télécharger 15 gigas, l'équivalent d'une série en 8 épisodes, par exemple, 10 000 fois en une seule seconde. Pour obtenir ces résultats, les chercheurs ont multiplié les longueurs d'onde avec une bande passante de 16,8 terahertz au lieu des 4,5 terahertz de nos infrastructures et ils ont amplifié le signal. Selon l'étude, cette technologie pourrait être intégrée à nos actuels réseaux de fibres. Et enfin, selon une étude parue dans The Astronomical Journal, les exoplanètes flottantes pourraient être plus nombreuses que prévu. On les appelle les rogue planètes, les planètes à la dérive ou encore des objets de masse planétaire flottant librement. Ces planètes, pas comme les autres, ne sont liées à aucune étoile et sont donc très difficiles à détecter. Selon cette équipe américaine, elles pourraient être étonnamment courantes dans notre galaxie et nous pourrions bientôt être en mesure de les voir. En 2025, la NASA va lancer le télescope spatial Nancy Grace Roman et cette étude théorique montre qu'il sera 10 fois plus sensible que les télescopes actuels. Et il pourra répertorier ces planètes flottantes grâce au phénomène de micro-lentilles gravitationnelles. Selon leur estimation, le Nancy Grace Roman détectera environ 250 rogue planètes. Bon allez, on va se reposer un peu Natacha, parce que demain c'est le journal des sciences de la semaine. Ce sera le gros journal, donc on va aller faire des exercices avec un crayon entre les dents. Allez, à demain Natacha. Pour moi, les gènes sont un livre d'histoire, une machine à remonter le temps. Grâce à la génétique, j'explore la mémoire de notre passé là où aucune archive n'est disponible. Extrait du prologue de l'Odyssée des gènes, le nouveau livre de notre invité Evelyne Heyer, un livre passionnant qui se lit comme une sorte d'enquête paléo-anthropogénétique qui remonte jusqu'à nos origines et la séparation de la branche humaine de celle de nos cousins chimpanzés jusqu'aux tout récents tests d'origine ADN qui sont très en vogue en ce moment sur Internet. Et comme on en parlera peut-être d'ailleurs tout à l'heure, sujet à pas mal de cautions. En passant, tout cela par les croisements entre Sapiens et Néandertal, la sédentarisation et le passage à l'agriculture, les descendants de Genghis Khan ou encore les maladies spécifiques liées aux migrations coloniales, comme au Québec avec ses fameuses filles du roi. Bref, nous allons parler de tout cela au cours de cette heure. Mais pour commencer, eh bien, c'est une autre voix que nous allons entendre, que je voulais vous faire entendre, Evelyne Heyer, une voix que vous connaissez bien, évidemment, et notamment vous aussi qui écoutez Fécassuidité, la méthode scientifique, c'est la voix de Jean-Jacques Hublin, paléoanthropologue, à l'origine de la découverte notamment des fossiles sapiens de Djebel Iroud au Maroc, et qui revient dans cet extrait sur un passage qui va vous intéresser, sur la notion de race et la spécificité du peuplement humain de la planète. Écoutez. Aujourd'hui, il y a une seule espèce humaine qui vit sur Terre. Elle est très homogène, elle a une origine commune récente. Ouais. Il y a des petites variations cosmétiques d'un bout à l'autre de la planète, mais vraiment cosmétiques. Cette situation-là, c'est une situation exceptionnelle à l'échelle des temps géologiques. C'est-à-dire que dès qu'on remonte au-delà, disons, de 40 ou 50 000 ans, eh bien, on a plusieurs groupes, espèces, disent les paléontologues, qui sont très différents, qui vivent dans différentes parties du globe, parfois même dans les mêmes régions. Hein. Et évidemment, cette espèce de variation, de diversité, est quelque chose qui nous dérange profondément. Les hommes, depuis très longtemps, dans le fond, ont essayé de se distinguer du monde vivant. Ouais. Et sans remonter très loin, jusqu'au 19e siècle, il y avait des gens qui proposaient un règne animal, un règne végétal et un règne humain. Donc on ne parlait pas d'espèce, on parlait de règne humain. Hein. Et dans le fond, l'homme, il est descendu graduellement de son piédestal taxonomique. Aujourd'hui, l'homme et tous ses ancêtres, depuis la séparation avec la lignée des chimpanzés, se rangent dans une tribu qu'on appelle les hominines, avec différentes espèces. Voilà, Jean-Jacques Hublin, l'humain est un animal comme les autres, en quelque sorte, Evelyne. Oui, tout à fait. J'aime bien cet extrait. Il est très chouette. Et puis, il rappelle que, effectivement, l'évolution de l'homme, elle a été buissonnante. C'est-à-dire, à 40 000 ans, il y avait plein d'espèces au sens paléanthropologique. Et ce que l'ADN révèle, c'est tous les croisements qu'il y a eu entre ces différentes anciennes espèces qui, pour certaines, ont disparu, comme Néandertal, l'homme de Denisova. Et donc, dans l'ADN, on retrouve finalement les traces de ce buissonnement de l'évolution humaine. Ce qui est intéressant, et on en reparlera d'ailleurs certainement puisque vous l'évoquez dans votre livre, et c'est une spécificité de cette espèce humaine, de l'humanité, c'est notre incroyable homogénéité par rapport au reste du règne animal. Aujourd'hui, tous les êtres humains, où qu'ils soient, où qu'ils se trouvent, ont une sorte d'homogénéité qui est très particulière dans l'histoire du règne animal sur notre planète. Oui, il y a autant de diversité génétique dans notre espèce que... il y a même trois fois plus de diversité génétique parmi les orangs-outans de l'île de Bornéo que parmi toute l'espèce humaine. Donc, on a moins de diversité génétique parmi les humains, alors qu'on est sur tous les endroits de la planète, que les orangs-outans ou que les chimpanzés. Donc, effectivement, on a quelque chose d'un peu singulier, en tous les cas, pour ce qui est de la lignée des primates. C'est intéressant, je vous fais réagir à ça, parce qu'évidemment, on est dans le contexte politique international que l'on connaît, avec des résurgences de théories eugénistes ou racistes un peu partout, en tout cas dans le monde occidental. Vous avez vous-même été commissaire à l'exposition « Nous et les autres, des préjugés au racisme », c'était au Musée de l'Homme. C'est intéressant de rappeler aujourd'hui qu'effectivement, la race est une construction sociale et que justement, on est invraisemblablement homogène en tant qu'espèce. Tout à fait. On est invraisemblablement homogène. Néanmoins, il y a des différences d'apparence. On voit bien les différences, par exemple, de couleur de peau. Et là aussi, maintenant, on comprend ces différences. On sait d'où elles viennent. Le nombre de gènes impliqués dans les différences de couleur de peau entre les continents est très faible. Donc, c'est seulement quelques lettres dans l'ADN qui vont faire des différences d'apparence de couleur de peau. Et à partir de là, on peut casser, les pensées racistes qui pensaient que la couleur de peau déterminait toutes les capacités d'un individu. C'est-à-dire, en fonction de votre couleur de peau, on pouvait dire que vous étiez paresseux, industrieux, etc. Si on reprend les termes du 19e. Maintenant, on sait que les mutations impliquées dans la couleur de peau ne codent que pour la couleur de peau. Elles codent pour rien d'autre. Et ce qui est incroyable, c'est que dans ces micro-variations, dans ces variations infimes, eh bien, pourtant, vous expliquez dans ce livre, et c'est absolument passionnant, qu'elles aboutissent à d'importantes différenciations, et pas seulement physiologique, mais culturel. Oui, alors en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on se rencontre aussi dans l'évolution de l'homme en quoi notre évolution est imprégnée de culture. C'est-à-dire que la culture a toujours joué pour créer des différences et des similitudes entre les populations. Par exemple, on préfère se marier entre individus qui parlent la même langue. Ça n'est jamais, chez l'homme, dans les populations, ça n'est jamais un absolu. Il n'y a jamais des populations qui ne veulent se marier qu'entre eux. Mais il y a une préférence, on parle d'endogamie, pour des mariage avec des gens qui nous ressemblent. Et ça, finalement, ça joue aussi pour créer des différences entre les populations humaines. Et d'un autre côté, il y a toujours des migrations. Donc on a un peu ces deux forces, je dirais, symétriques. Une force un peu de stabilité, de mariage entre nous, et de l'autre côté, toujours des migrations. Donc ça veut dire que si on regarde dans notre ADN, on peut dire qu'on a toujours eu des ancêtres qui ont migré, mais en même temps, on a toujours eu des ancêtres qui sont restés sur place. C'est cette histoire que vous racontez. Et ce qui est fascinant, c'est aussi ce dialogue qu'il y a entre culture et génétique. Comment la culture, comment des choix, finalement, culturelles vont petit à petit créer des populations et séparer des populations et finalement influer sur la génétique. Alors l'exemple plus classique là-dedans qui a été étudié depuis les années 70, c'est l'exemple de la lactase. En tant que mammifère, les humains, on ne digère pas le lait quand on est adulte, sauf qu'il y a des populations humaines où les adultes digèrent le lait. C'est une mutation qu'on appelle une mutation de la tolérance au lactose et qu'on retrouve essentiellement dans les populations éleveurs nomades depuis plusieurs milliers d'années où le lait était un aliment important. Donc on retrouve des mutations en Europe du Nord, au Moyen-Orient, en Afrique, qui sont différentes. Et d'ailleurs, l'Asie centrale est un grand mystère, parce que quand on va de l'Asie centrale vers la Mongolie, on a des populations pour lesquelles le lait aussi est fondamental dans l'alimentation, mais eux, ils se sont pas adaptés génétiquement. Eux, visiblement, ils se sont adaptés soit culturellement, en fermentant le lait, soit peut-être à partir de leur flore intestinale, mais ça, c'est un des grands points d'interrogation. Et ce sera le sujet du reportage que l'on entendra tout à l'heure dans votre laboratoire. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15, nous sommes en compagnie tout au long de cette heure d'Evelyne Heyer qui publie l'Odyssée des gènes chez Flammarion, une sorte d'enquête, comme je le disais tout à l'heure, à la fois paléontologique, anthropologique et génétique. Mais peut-être un mot sur vous, sur votre parcours, Evelyne Heyer, pour commencer. Comment est-ce que vous êtes arrivée à l'anthropologie génétique? Parce que c'est une discipline qui a posé ses jalons il y a assez peu de temps. Comment est-ce que vous y avez abouti en partant de l'école d'agronomie de Montpellier? Oui, c'est vrai. C'est il y a longtemps. En fait, j'ai fait ma thèse sur la vallée de la Valserine où on avait un point d'interrogation, on avait une forte fréquence d'une maladie héréditaire qui aurait dû être éliminée par la sélection naturelle parce que les individus qui portent deux copies du gène, qu'on dit homozygotes, ne survivent pas, donc elle aurait dû être éliminée. Alors comment ça se fait qu'on retrouve cette forte fréquence du gène? Et finalement, la réponse a été que c'est un phénomène culturel qui explique ça, c'est qu'on a des familles de gens stables dont les descendants restent sur place et dont les petits-enfants vont rester sur place. À côté de ça, on a des immigrants, il y en a beaucoup, mais qui vont repartir. Et donc, c'est cette dualité sociale, je dirais, de familles enracinées stables, qui transmettent des terres, d'ailleurs, par rapport à une frange d'individus mobiles qui permettait d'expliquer cette forte prévalence de maladies. C'est-à-dire que, en fait, le patrimoine génétique de cette population est façonné par quelque chose de culturel, en même temps que, bien sûr, par du biologique. Et à partir de là, ce qui a été le leitmotiv de toutes mes études, c'est de toujours associer des paramètres culturels à l'analyse de la diversité génétique et de faire, en ce sens, du travail de terrain pour acquérir ce type de données. Et c'est pour ça que j'appelle ça de l'anthropologie, parce que j'étudie l'homme dans sa diversité à la fois biologique et culturelle. Et alors, c'est intéressant parce que vous insistez beaucoup là-dessus. D'ailleurs, le livre commence par cela, à la première personne, par le récit de l'une de vos missions. Et vous dites, l'anthropogénétique, c'est avant tout du travail de terrain. On pourrait imaginer que c'est étudier, disséquer, séquencer des génomes dans un laboratoire. Mais vous insistez sur le fait que ça commence avant tout par le terrain et on retourne toujours au terrain. Oui, parce que c'est finalement à la rencontre des différences que l'on arrive à comprendre des mécanismes universel, par exemple dans ce qui m'intéresse, l'évolution et la diversité de notre espèce, les mécanismes qui permettent de comprendre ça, on les rencontre en allant sur le terrain, en rencontrant des populations, des gens qui ont des modes de vie différents et en analysant les paramètres culturels pertinents en conjonction avec les paramètres génétiques. Et du coup, ça m'a permis d'aller dans beaucoup d'endroits un peu olé olé certains. Alors par exemple, parce que le livre commence par une expédition, vous avez travaillé justement sur l'histoire des peuples d'Asie centrale que vous cherchez à raconter à partir de leur ADN, mais c'est quoi la mission la plus olé olé ou celle qui est la plus chère à votre cœur, Evelyne Heyer? Je pense qu'il y en a une où on s'est retrouvés dans une rivière où on a failli tous mourir et heureusement il y a quelqu'un de l'expédition qui était courageux, qui nous a tous sortis du lit de la rivière. Tout simplement, notre chauffeur était saoul, comme ça arrive assez souvent en Russie, et il a décidé de passer à un endroit qui est un gué, mais il y avait eu des inondations. Donc le gué n'était plus un gué, mais il a insisté et notre petit van est retrouvé coincé au milieu de la rivière et allait être emporté par la rivière. Et on n'arrivait pas à rejoindre la rive, mais il y en a un de l'expédition qui arrivait à rejoindre la rive, qui a coupé un arbre et qui, avec un arbre, nous a sorti un par un de cette rivière. Et ça, c'était assez rigolo. Une autre mission, on a été interrogé toute une journée par le FSB, donc ce qu'on appelait avant le KGB. Oui. Enfin, on a plein d'histoires assez abracadabrantes. J'ai raconté, je les ai pas toutes racontées parce que je souhaite pouvoir retourner dans ces pays. Et vous étudiez quoi en Russie? C'était sur quelle mission? Alors en Russie, nous, ce qui nous intéressait, c'était l'organisation sociale des populations là-bas qui sont pas trilinéaires. C'est-à-dire, vous avez une filiation par les pères uniquement. En gros, schématiquement, vous connaissez toute votre famille du côté des pères, mais pas celle du côté des mères. Et donc, on voulait regarder en quoi ça changeait les patterns de diversité génétique et aussi tester l'hypothèse d'un lien avec les populations plus d'Asie centrale, c'est-à-dire d'Ouzbékistan, où on avait déjà travaillé, pour voir effectivement les liens de migration passés entre ces populations-là. Alors on va parcourir un peu quelques éléments de ce livre qui est très riche, et puis on va laisser évidemment plein de choses à découvrir pour nos auditrices et nos auditeurs et pour poursuivre cette expérience, parce que je dois dire que c'est vraiment effectivement une lecture très agréable. J'ai une question tout de même, Evelyne Hier, pour commencer. C'est que vous dites, et c'est le sous-titre du livre, 7 millions d'années d'histoire de l'humanité révélée par l'ADN, mais on a fait beaucoup de paléogénétique ici. On sait qu'il y a tout de même un problème avec l'ADN, c'est que l'ADN, au bout de 50, 100 000 ans, il reste plus rien. Donc comment est-ce qu'on remonte plus loin alors qu'on a de l'ADN qui finit par disparaître dans le registre fossile après 50 000 ans? Ah oui, alors la paléogénétique, en général, les gens comprennent bien. On a de l'ADN ancien, par exemple de Néandertal qui a 50 000 ans, on le compare avec de l'ADN moderne, on voit ce qui nous a été transmis. Ok, ça c'est facile à comprendre. Mais en fait, on apprend déjà énormément de choses à partir de l'ADN d'individus contemporains et on se base sur la comparaison de l'ADN. L'idée, c'est que, en fait, vous comptez les différences, vous regardez les différences entre les ADN de deux individus différents, soit de populations différentes, soit d'espèces différentes. Et ces différences sont proportionnelles au temps. Donc, plus le temps passe, plus vous accumulez des différences. Et donc, quand on compare un ADN d'un humain et un ADN d'un chimpanzé, on a beaucoup de différences et on peut calibrer du coup que l'origine de l'ancêtre commun entre l'homme et le chimpanzé date de 7 millions d'années. Mais sur le même principe, je peux comparer et trouver votre cousin germain d'il y a seulement 50 ans. Mais alors justement, racontez-nous un peu comment ça fonctionne, cette horloge moléculaire, parce qu'on a l'impression, on en a beaucoup parlé dans cette émission, on a l'impression que c'est une sorte d'horloge absolue, c'est-à-dire qu'on a une horloge et boum, on compare les divergences des nucléotides et on remonte dans le temps. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ah oui, c'est compliqué. Alors l'horloge moléculaire humaine, là, ça a été un grand débat dans les 5 dernières années dans la communauté scientifique, parce que en fait, on avait au départ l'idée, on avait calibré les différences entre les espèces à partir de données paléoanthropologiques et des données paléontologique, on avait calculé le nombre de différences et à partir de là, on avait dit, bon ben, tant de mutations s'accumulent en tant d'années. Et là, le génome complet arrive et là, on peut séquencer directement des génomes de parents et de leurs enfants. Donc, on peut calculer combien de nouvelles mutations apparaissent à chaque génération. Combien ? Environ 70 chez l'homme. Et là, patatras, ça nous donne une horloge moléculaire complètement différente, à savoir deux fois plus lente. Autrement dit, toutes les dates sont deux fois plus anciennes. Mais ça colle plus du tout. Parce que ça fait remonter la séparation avec le chimpanzé à 20 millions d'années. Enfin, un truc qui est complètement irréaliste. Donc, il a fallu qu'il y ait des équipes qui retravaillent là-dessus, qui disent, bah oui, il y a un problème, on filtre trop les données, donc les mutations nous apparaissent. Et surtout, en fait, les mutations, les taux de mutation ne sont pas les mêmes dans tous les endroits du génome. Et donc, il y aurait des endroits du génome qui sont bien calé, qui battent un rythme très régulier, et d'autres où ça peut aller plus vite ou plus ou moins lentement. Mmh. Oui, ça a été vraiment une belle histoire, et j'ai une des chercheuses, Laure Ségurel, du labo, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Alors justement, si on part du point de départ, hein, des 7 millions d'années, c'est donc on a réussi à recalibrer cette horloge moléculaire pour dire que c'est bien la divergence entre chimpanzés et espèces humaines, et autour de 7 millions d'années, c'est tout maille aussi tout de même. Oui. ça pose un point d'interrogation, hein. Ça pose un point d'interrogation. Tout le monde, je le rappelle, le plus, a priori, alors il y a encore des débats qui sont pas tout à fait tranchés, mais qui seraient, a priori. D'abord, Toumaï serait ou pas sur la lignée humaine, voilà, c'est encore débattu, mais prenons l'hypothèse, a priori peut-être raisonnable, qu'il soit sur la lignée humaine. Il faut pas oublier qu'avec l'ADN, on va calculer le temps vraiment de divergence, c'est-à-dire le moment où il y aura plus de croisement entre l'humain et le chimpanzé. Or, on sait que quand on a la création des nouvelles espèces, ce qu'on appelle la spéciation, il y a un moment plus ou moins long, qu'on ne connaît pas, pendant lesquels il peut y avoir des croisements entre ces deux espèces. Donc, il est tout à fait possible que Toumaï soit sur la lignée humaine à un moment où les deux espèces commencent à apparaître morphologiquement, mais où elles peuvent encore se croiser. Et de ce fait-là, ce n'est pas insensé d'avoir des calibrages différents selon les disciplines. Sans compter que nous, quand même, l'ADN, il faut bien que je le dise, on a des incertitudes. On a des intervalles de confiance autour de nos valeurs. Alors, ce qui nous sépare aujourd'hui, au temps présent, de nos lointains cousins chimpanzés, c'est 1,2% du génome. Ça a l'air dérisoire comme ça. En fait, c'est énorme, 1,2% du génome. Ben oui, c'est énorme, parce que un génome, c'est ce qu'on appelle 3 milliards de paires de bases, c'est-à-dire c'est 3 milliards de lettres. Hein. On a 4 lettres, A, C, T, G, mais c'est un texte de 3 milliards de lettres. Donc, 1% de 3 milliards, ça fait 30 millions de lettres qui sont différentes. Donc ça permet de faire justement les différences que l'on voit entre un homme et un chimpanzé. Et non seulement il y a des différences, mais il y a surtout des zones en plus et des zones en moins. C'est-à-dire que c'est pas juste quelques lettres qui changent, il y a quand même vraiment un brassage génétique important. Oui, alors en plus on a ce qu'on appelle des insertions et des délétions. C'est-à-dire il y a des bouts du génome qu'on a que les chimpanzés n'ont pas et vice-versa. Et dans ce cas-là, si on prend tout en compte, c'est pas 1,2%, mais c'est plutôt 5% de différence. Et alors du coup, on compare ça évidemment avec ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'extrême uniformité de l'espèce humaine, puisque nous sommes similaires, nous, vous et moi par exemple, notre ingénieur du son, notre camarade Pascal Baudin, a 0,1% de différence. Ça représente quoi? Est-ce que c'est à peu près constant, c'est-à-dire qu'on a tous 0,1% de différence, ou est-ce qu'il y a quand même un peu des variations? Non, il y a un peu de différence dans le sens où, d'une manière générale, sur l'ensemble de la planète, en excluant le temps, ce que j'appelle de la domination européenne, où il y a eu des déplacements forcés entre les continents, en excluant ça, en général, on se ressemble d'autant plus génétiquement que l'on est proche géographiquement. C'est-à-dire, on est toujours un peu plus similaire génétiquement de quelqu'un dont les ancêtres viennent du même endroit que nous, que quelqu'un de l'autre bout de la planète. Mais encore une fois, cette différence, elle est très faible. On l'estime à 10% de différence en plus. C'est-à-dire, si entre vous et moi, on a 3 millions de différences, eh bien, on va avoir, environ 100 000 de plus de différence avec quelqu'un de l'autre bout de la planète. Ce qui est intéressant, ce dont vous parlez, c'est ce qu'on appelle l'effet fondateur. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, il y a plus de diversité génétique sur le continent africain, et c'est la preuve que c'est bien le berceau de l'humanité, qu'il n'y en a, par exemple en Norvège ou au Japon. Tout à fait. En fait, c'est comme ça qu'on a pu retracer l'origine de notre espèce. En fait, l'Afrique est étonnante de diversité génétique. Il y a un niveau de diversité génétique beaucoup plus élevé. Et quand l'Homo sapiens s'est aventuré à l'extérieur de l'Afrique, il a pu emmener qu'une partie des gènes à l'extérieur. C'est ce que je dis. Vous prenez une salle, il y a 100 personnes, ils ont tous des couleurs d'habits différents, et vous leur dites, il n'y en a que 10 qui vont dans la salle d'à côté. Vous ne pouvez pas amener toute la diversité dans ce cas-là, des couleurs de t-shirt que vous avez. Et ben c'est pareil pour les gènes. Donc, quand on est sorti, quand un petit groupe est parti d'Afrique, il a emmené qu'une partie de la diversité. Donc, à l'extérieur de l'Afrique, on a moins de diversité que les différentes populations africaines. Et en plus, maintenant, on sait qu'à l'intérieur de l'Afrique, il y a une très grande diversité de populations aussi. C'est-à-dire ? Eh ben, vous avez les populations, par exemple, dites Khoisan, pour ceux qui se souviennent, c'est les langues à clic, hein. Vous avez les populations pygmées de chasseurs-cueilleurs sur lesquelles j'ai eu la chance de travailler. Et vous avez aussi vous avez toutes les autres populations aussi africaines. Et vous avez un niveau de différence entre ces populations qui est plus fort que de la différence entre des populations d'Afrique et des populations d'Europe. Ce qui est intéressant, c'est que donc du coup l'histoire du peuplement de l'humanité au tout début, c'est ce que vous appelez les effets fondateurs successifs, c'est-à-dire que bah, de 100 personnes on enlève 10, et puis de 10 personnes on se reproduit un peu, puis on en enlève 10 à nouveau, etc. Et du coup, bah, plus on s'éloigne du berceau, et plus eh bien l'uniformité génétique est forte. C'est ça. On a un gradient de diversité génétique qu'on dit qui diminue plus on s'éloigne de l'Afrique. Il y a une question que vous posez aussi dans ces premiers chapitres, c'est celle qui est une grande énigme de la raison de l'augmentation de la taille du cerveau, puisqu'on rappelle que la taille de notre cerveau a triplé depuis Australopithèque, et là aussi il peut y avoir eh bien, des raisons un peu culturelles en quelque sorte. Oui, alors il y a des hypothèses qui sont en fait que la taille, enfin une partie de la taille du cerveau corrélerait avec la taille du groupe, comme si en fait pour arriver à gérer des relations sociales dans des groupes plus importants, ça avait fait une pression de sélection pour avoir un cerveau plus développé. Donc ça, c'est l'hypothèse, on dit en gros, du cerveau social. Et après, vous avez l'hypothèse du cerveau écologique, où en fait, on aurait été dans un environnement écologique un peu plus complexe, et du coup, pour répondre à ces besoins écologiques plus complexes, il y aurait eu une sélection sur la taille du cerveau. Par exemple, d'une manière générale, on voit parmi les primates que les primates frugivores, voire omnivores, ont un cerveau plus grand que ceux qui se contentent de manger des feuilles. Et alors, est-ce qu'elles sont discriminées, ces deux hypothèses ? On a une idée ? Non, c'est encore en débat. Il y a des gens, moi je pense plus au cerveau social, mais là encore une fois, il faudrait, on attend, ça fait partie des recherches en cours, quoi. C'est ça qu'il y a de chouette avec la recherche. L'Odyssée des gènes, vous voyez, c'est passionnant, on en est qu'au tout début. Il y a 7 millions d'années d'histoire donc de l'humanité, eh bien qui sont relues à travers le prisme de l'anthropologie génétique. On va continuer à en discuter tout au long de cette heure avec Evelyne Heyer, et ça va continuer à être passionnant, croyez-moi. Ta maman, on dirait tes mots, un peu ton papa, un peu ton maman, un peu ta papa, si tu vois ce que je vois. On dirait les rois mages, vers leur étoile, vers les étoiles. Sa maman, on dirait ses mots, un peu son papa, un peu son maman, un peu sa papa, si tu vois ce que je vois. Vers les étoiles, vers les étoiles, jette ta dégaine, donc jette sa dégaine. C'est un Éden où c'est toujours la nuit. Philippe Catherine, ADN à 16h33 sur France Culture. Il est question largement d'ADN, puisque c'est par le prisme de l'ADN qu'Evelyne hier nous raconte l'histoire de l'humanité depuis la séparation d'avec les chimpanzés jusqu'à aujourd'hui. Et ces fameux tests ADN, dont on parlera peut-être d'ailleurs tout à l'heure, dont tout le monde raffole et qui sont censés nous dire d'où nous venons. On va en parler, on va le critiquer un peu tout à l'heure si vous êtes gentil, si on a le temps surtout. L'Odyssée des gènes d'Evelyne hier, c'est chez Flammarion. Et Evelyne Heyer est donc notre invitée tout au long de cette heure. On va avancer un peu dans le temps et notamment parler de Néandertal. On aime beaucoup parler de Néandertal parce que bien c'était l'enfant maudit de la paléontologie et aujourd'hui il est réhabilité. Nous en avons tous un peu en nous, hein, puisque pour les populations occidentales, on estime jusqu'à 2% le pourcentage d'ADN néandertalien qui est à l'intérieur d'une autre. Racontez-nous un peu pourquoi, comment on est arrivé finalement à cette histoire des 2% et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait finalement que 2% de Néandertal ? Alors, d'un point de vue, je dirais, de méthode scientifique, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une équipe à Leipzig, dirigée par Svante Pebo, qui est arrivée à extraire de l'ADN de l'homme de Néandertal, donc dans des fossiles de 50 000 ans, ce qui est absolument remarquable, une prouesse technologique. Et de ce fait-là, on a pu avoir l'ADN de cet homme maintenant disparu, et donc en comparant avec notre ADN à nous, voir qu'on en avait reçu 2% pour les individus à l'extérieur de l'Afrique. Et comment on fait ? Il faut que vous imaginiez l'ADN comme un long fil de laine sur lequel vous avez vos perles là, uniquement de quatre couleurs. Et en fait, vous comparez des portions de ce bout-là et vous dites, vous coupez un peu votre ADN en plein de bouts et vous dites, bon, ben, il y a 2% de ces bouts qui, a priori, viennent de Néandertal. Mais par contre, ces 2% qui viennent de Néandertal, ils sont pas très différents hein, quand même. Néandertal et nous, on est identiques à 99,7%. Hein. Donc on reçoit 2% d'ADN de Néandertal, ça ne veut pas dire qu'on a 2% d'ADN différent des autres individus. On reçoit quelque chose qui ressemble déjà à ce qu'on a. Et alors, ce qui est fascinant, c'est qu'on a pu regarder ces 2%, à quoi ça correspond. Pour l'essentiel, on appelle des trucs neutres, ça sert à rien. De l'ADN comme, non codant. Voilà, l'ADN non codant, comme 98% de notre génome, mais il y a des petits bouts qui sont codants. Et là, surprise, les bouts codants, bah, quand on les a, c'est des bouts qui semblent avoir été avantageux. Parce que, en fait, il faut raisonner à l'envers. Quand il y a eu des croisements entre sapiens et néandertal, les gènes, a priori, ils fonctionnent pas bien quand vous les mélangez entre deux sous-espèces qui sont quand même séparées depuis plusieurs centaines de milliers d'années. Donc a priori, si c'est un bout de gène, ça va avoir tendance à être éliminé, sauf dans les rares cas où ces bouts de gène étaient avantageux. Et dans ce cas-là, ils ont été conservés et même ils ont augmenté en fréquence. Donc il y a des gènes impliqués dans l'immunité, il y en aurait impliqués dans la vascularisation du fœtus, voilà, toute une série de gènes qui sont restés parce qu'ils étaient avantageux pour les populations. Une étude récente qui parle même d'un gène de sensibilité à la douleur. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? De toute façon, plus ça va aller, plus on va mieux connaître à quoi correspondent ces bouts de génome. Parce que ce qui est intéressant dans ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire finalement cet effet fondateur successif, c'est que oui, quand Sapiens sort d'Afrique, il n'arrive pas sur une terre vierge, dépeuplée, loin s'en faut. Il y a eu des sorties précédentes et d'un seul coup, il va rencontrer, puis petit à petit remplacer tous ses prédécesseurs qui se sont répartis la surface du globe. C'est ça, Néandertal, il est descendant de gens qui seraient sortis d'Afrique il y a à peu près 700 000 ans. Donc c'est une sortie plus ancienne. Il y en a des plus anciennes, hein. On estime qu'une des premières sorties, c'est autour de 2 millions d'années. Par contre, on ne sait pas ce que ça a laissé génétiquement. À l'heure actuelle, il y a quand même des pistes. On parle d'ADN ancestral fantôme, enfin des choses qu'on n'explique pas bien dans notre ADN, qui seraient ni Sapiens, ni Néandertal, ni notre autre cousin Denisova, mais qui seraient peut-être, voilà, point d'interrogation, quelque chose d'autre. Donc on voit, en fait, il y a toujours eu des mélanges, quoi, dès le début. Voilà, migration, mixité, c'est l'histoire. Migration-mélange. Migration-mélange et sédentarisation. Si on veut avancer un peu, on va parler justement de la révolution néolithique et puis justement de ces changements culturels qui vont avoir des influences majeures sur notre patrimoine génétique. Et parmi ces traces génétiques, vous l'évoquiez tout à l'heure, Evelyne Heyer, il y a notre faculté ici en Europe occidentale notamment de digérer le lait. Vous avez publié à ce propos un article, c'est au mois de juin dernier dans la revue PLOS Biology, qui porte sur l'origine de la tolérance au lait dans les populations. Nous sommes donc rendus dans votre laboratoire à la rencontre de votre doctorante qui a tout expliqué à Céline Lezen. Bonjour Céline. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Oui, j'ai retrouvé Perle Garino-Vignon qui fait sa thèse en ce moment en paléogénétique sur l'étude des populations d'Asie centrale au néolithique. Une des questions qu'elle étudie, c'est la faculté de digestion du lactose à l'âge adulte. La lactase, c'est l'enzyme qui permet de dégrader le lactose pour être capable de bien assimiler le lait. Le problème qu'on voit, c'est qu'au niveau mondial, cette enzyme n'est pas présente de manière équitable. Dans certaines régions comme l'Europe du Nord ou l'Afrique de l'Ouest, les habitants possèdent la version du gène qui synthétise pour la lactase et donc peuvent bien digérer le lait. Mais ce n'est pas le cas pour les populations d'Asie centrale. On cherche donc à comprendre pourquoi, dans le passé, il y a pu y avoir une sélection génétique dans certaines régions et pas d'autres. Et pour cela, il faut mener une enquête paléogénétique. Il faut aller fouiller dans les génomes grâce à des algorithmes. Observe très fortement donc une sélection de cette mutation qui permet de digérer lait dans des populations qui culturellement ont développé l'élevage de bétail produisant du lait. Et on ne comprend pas toujours exactement pourquoi cette réponse a été aussi forte pour des populations dont finalement la seule ressource riche en protéines, riche en lipides était le lait et qu'il fallait donc pouvoir tolérer le lactose pour pouvoir en profiter de tous les bienfaits. Vous voulez dire qu'il y a eu une pression, une sélection au niveau de ce, enfin en tout cas de cet allèle-là, pour conserver la tolérance au lait? C'est ça. On a essayé de mieux comprendre, du coup, pourquoi en Asie centrale, on avait des populations pastorales, éleveuses, qui n'avaient présenté que très peu de cette mutation, alors que dans le reste de l'Europe, il y avait la présence de cette mutation. Et quand on regardait plus précisément en Asie centrale, les populations qui pratiquaient l'agriculture présentaient même un plus grand pourcentage de la mutation permettant de digérer le lactose. Vous êtes paléogénéticienne, donc vous prenez en main des sets de data de génomes anciens et modernes pour les comparer. Et comment on arrive à faire parler ces génomes pour savoir pourquoi il y a eu, à cette période-là, à cette région-là, une sélection assez forte pour permettre la sauvegarde de cet allèle-là? Alors, avec les génomes, on peut déjà reconstituer un certain nombre de choses juste avec des génomes modernes. Donc ça, c'est la partie qui a été plutôt réalisée par Laure Ségurel et Céline Bon, qui donc sont allées sur place en Asie centrale et ont rencontré les habitants de cette région et qui ont donc du coup prélevé de la salive sur les habitants pour pouvoir en extraire de l'ADN. On obtient du coup énormément de séquences d'ADN, c'est en petits morceaux, qu'ensuite on réaligne tous ensemble donc à l'aide de logiciels informatiques, d'algorithmes, et ensuite on les assemble tous les génomes dans un même dataset qui nous permettent de dire à chaque position, pour chaque individu, quelle est la base présente dans son génome. Une fois que j'ai assemblé donc des génomes anciens entre eux, bah, je vais donc essayer de les comparer entre eux. Des génomes qui sont constitués de 1 million, donc pour moi ce que j'utilise, 1 million à 300 000 positions pour lesquelles on a de l'information. Et donc là, en fait, sous les yeux, on a un tableau assez grand qui donne toutes les caractéristiques génétiques et géographiques des individus dont on a prélevé les échantillons sur place. C'est ça. Ce tableau-là, il réunit tous les individus anciens dont on a des données génétiques en Eurasie, leur latitude et leur longitude, pour pouvoir les placer sur leur carte, le pays où ils ont été trouvés. La donnée intéressante, c'est leurs données génétiques à l'emplacement dans le génome de la mutation qui permet de digérer le lactose. Et donc on a un code. 2, ça veut dire quoi? 2, ça veut dire qu'ils ne possèdent pas la mutation. Et 0, ça veut dire qu'ils possèdent cette mutation, c'est-à-dire qu'ils possèdent l'allèle dérivée qui permet de digérer le lactose. Donc ici, par exemple, sur cette ligne-là, vous voyez, donc cet individu est 0, et donc c'est notre individu ukrainien du néolithique qui date donc de 5000, il y a environ 5960 ans. Et donc ensuite, vous pouvez utiliser toutes ces informations pour reconstituer des cartes au c'est cours ça. Du temps. Et on va regarder quels individus, à quelle période de temps, donc sur une carte, on va les placer là où ils ont été trouvés pour les génomes anciens. Ok. Et on va regarder est-ce qu'il possède la mutation ou est-ce qu'il ne la possède pas. Et donc là, on a 6 cartes devant nous et puis on c'est peut ça. Voir à différents âges l'évolution de la présence, de la distribution de cet allèle-là. C'est ça. Et donc là, on voit que tous les points donc sont bleu pâle, ce qui veut dire qu'ils ne possèdent pas la mutation. Et donc, on a un seul point bleu foncé. Donc c'est cet individu néolithique ukrainien dont je vous parlais, qui est la première apparition, l'apparition la plus ancienne qu'on possède. Puis ensuite, à la toute fin du néolithique, on voit qu'on a quelques points, mais pareil, comparé à la, on voyait qu'on a énormément de petits points bleus. On a quand même, on commence à avoir beaucoup d'individus anciens à être séquencés, et on voit quelque chose donc de très intéressant quand on passe donc de la carte de la fin de l'âge du bronze à la carte de l'âge du fer, donc environ 2000 ans avant notre ère, c'est que on va avoir une augmentation très très forte de la proportion d'individus possédant la mutation permettant de digérer le lactose en Europe, et plus particulièrement en Europe du Nord, alors qu'en Asie centrale, alors qu'à l'âge du bronze, on a à peu près la même prévalence de génotypes. Une récession, là, du coup. Pas une récession, mais juste pas une augmentation. Ça va complètement stagner. Il ne va pas y avoir d'augmentation aussi forte qu'on va avoir en Europe. Ce qui nous fait dire qu'en Europe, on va avoir une sélection qui va être mise en œuvre, alors qu'en Asie centrale, on ne va pas avoir cette sélection. Or, les deux populations vont consommer du lait. Et alors, est-ce que vous arrivez à déterminer les causes au-delà de faire des corrélations ? Je sais que c'est toujours très compliqué et qu'il y a beaucoup de choses qui s'entrecoupent, la culture, l'archéologie, la génétique. Alors, à ce stade, le mieux qu'on puisse faire, c'est proposer des pistes de réflexion, de recherche. Donc, l'une des pistes, c'est le fait que les individus, donc les populations en Asie centrale, avant de consommer du lait de vache, ont surtout été les premières et les seules à consommer du lait de jument. Or, le lait de jument, de façon très paradoxale, a une concentration en lactose beaucoup plus forte que, par exemple, le lait de vache. Ce qui conduit le lait de jument à fermenter tout seul, beaucoup plus facilement que le lait de vache. Donc ça peut être une piste, c'est que l'adaptation au fait qu'on ne puisse pas digérer le lactose en Asie centrale se soit faite de façon culturelle, en privilégiant la fermentation. Et paradoxalement, parce que le lait de jument a plus de lactose, qui est assez incroyable, Evelyne Heyer. Ah non, mais l'anthropologie génétique, c'est passionnant. Ah non, c'est passionnant. Et moi, absolument. Je me souviens encore, quand on était sur le terrain, qu'on donnait aux gens du lactose pour voir effectivement s'ils digéraient pas le lactose. Vous faisiez vomir vos sujets de thèse, c'est pas très sympa, Evelyne Heyer. Non, ça fait pas vomir les gens. Mais je me souviens de cette mission, c'était une mission rude, parce que c'était énormément de travail, parce qu'on mesure à la fois la glycémie, c'est-à-dire comment on arrive à transformer le lactose en glucose, on mesure l'hydrogène, parce que si on le digère pas bien, on fait des gaz qu'on retrouve dans l'air expiré. Donc oui, c'était une mission, et puis il nous fallait des échantillons assez grands, parce que à cette époque-là, on connaissait pas la mutation en Asie centrale, donc on savait pas quelle mutation, pour les personnes qui digèrent le lait, quelle mutation ils portaient. Donc oui, je me souviens de cette mission, c'était quelque chose. Il y a un autre éditeur qui pose une question qui me paraît assez astucieuse, qui nous écrit: on sait que les populations d'Asie centrale ont développé des techniques de conservation du lait qui avaient pour effet de réduire la proportion de lactose, kéfir, le beurre, etc. Est-ce que ça pourrait être lié? C'est un peu l'hypothèse qu'émettait Perle. Alors, quand vous fermentez, vous diminuez le lactose, mais il en reste quand même. Donc, point d'interrogation, parce qu'il en reste, et en pourcentage non négligeable. Alors, on va avancer un peu, et toujours dans ces liens, comme on évoquait tout à l'heure, le cerveau social ou le cerveau écologique, il y a plusieurs questions un peu duales comme ça, qui parsèment l'avancée de votre narration, Evelyne Heyer, et un peu à la manière de l'œuf ou la poule, mais avec une réponse la plupart du temps. Et il y en a une que je trouve assez passionnante, si on avance justement dans l'histoire de l'humanité, c'est celle qui est liée à la question de la sédentarisation. Effectivement, pourquoi ce changement de mode de vie? Qu'est-ce qui amène certains groupes d'un seul coup à s'arrêter, à se poser, à développer évidemment ensuite l'agriculture, l'élevage, et avec toutes les conséquences que cela peut avoir? Et là, il y a deux hypothèses. Il y a l'hypothèse d'une part de la croissance démographique, c'est-à-dire que c'est une sorte d'organisation sociale naturelle qui est liée au nombre de personnes, ou l'autre hypothèse qui est celle de l'abondance alimentaire. Expliquez-nous un peu ce que c'est que... Je pense que les deux sont intimement liés. Nous, on a vu avec nos travaux de génétique que, en fait, les populations qui vont se sédentariser au moment où elles se mettent à l'agriculture, c'est des populations qui étaient en croissance démographique avant de se mettre à l'agriculture, ce qui est vachement intéressant. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a des populations, elles étaient dans des environnements mieux, où elles se débrouillaient mieux. On fait de la croissance démographique et que finalement, la transition vers la domestication, c'est une réponse à ce début de croissance tendance démographique. Et une fois qu'on est rentré dans la sédentarisation et la culture, notamment des végétaux, on peut plus en sortir. Parce que finalement, on arrive avec une surface plus faible à nourrir plus de gens et ça entraîne une croissance démographique à son tour. Et du coup, c'est comme si on était, on est parti dans un train et on peut plus descendre du train. Et donc, on pense que ça s'est passé comme ça. Donc, c'est lié en fait. La croissance démographique, l'alimentation et la sédentarité sont tous les trois des éléments qui s'imbriquent les uns avec les autres, qui font un système. En fait, faut voir la néolithisation comme un système dont on ne peut pas sortir une fois qu'on est lancé. Mais alors, il faut que vous nous expliquiez comment est-ce que vous faites dire aux gènes, comment est-ce qu'on retrouve la réponse à cette question dans les gènes, comment est-ce qu'on peut comprendre ou comment est-ce qu'on peut discriminer une hypothèse d'une autre juste avec l'analyse du matériau génétique, parce que c'est assez incroyable. Alors, là, je vais pas pouvoir vous le faire dans le temps de l'émission parce que c'est basé sur ce qu'on appelle la théorie de la coalescence, qui est une théorie utilisée en physique mais qui a été aussi adaptée en génétique des populations, qui permet de retracer les arbres généalogiques des gènes. Et la forme des arbres généalogiques des gènes nous permet de voir si une population a été en croissance démographique ou pas, et de dater quand cette croissance démographique a commencé. Via l'horloge moléculaire. Avec, entre autres, aussi l'idée d'horloge moléculaire qui permet toujours de passer des différences au temps. Bon, alors, il faudra vous l'expliquer un petit peu tout de même dans le livre. Donc, je vais laisser les auditrices et les auditeurs s'y plonger pour avoir un peu plus de détails. Si on continue à avancer, moi, il y a un autre embranchement que je trouve assez passionnant, puisqu'on avance dans l'histoire et dans le peuplement, notamment de l'Europe. Et avec cette question, de dire, finalement, cette sédentarisation, elle donne lieu à l'apparition de techniques, comme par exemple la poterie. Et bien, ces techniques, elles se dispersent, elles aussi. Mais alors, du coup, qui se disperse? Est-ce que ce sont les techniques qui se dispersent parce que, eh bien, de contact, de proche en proche, on apprend à faire et puis d'un seul coup, le savoir se répand de façon immatérielle? Ou sont-ce les populations qui continuent à avancer et, en avançant, amènent avec elles leur savoir? Ben ça, c'est certainement un des apports majeurs de l'ADN ancien autour de cette arrivée de l'agriculture de manière indépendante dans le monde entier. C'est-à-dire qu'avec l'ADN ancien, on peut comparer les populations, par exemple, en Europe, avant l'arrivée de l'agriculture et après. Comment? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait ces comparaisons? On regarde leur ADN et on regarde l'ADN à deux instants T et on se dit, est-ce que c'est raisonnablement les mêmes? Autrement dit, il y a suffisamment peu de différences pour qu'on puisse penser qu'une population descend de l'autre, ou alors est-ce que c'est très différent et du coup ça viendrait d'autre part? Et donc, avec les analyses d'ADN, cette réponse, elle a été claire. L'arrivée de l'agriculture en Europe, c'est les gens qui ont amené cette technique, c'est des gens qui venaient du sud de la Turquie, de ce qu'on appelle l'Anatolie. Et donc, on arrive à retracer d'où ces gens venaient. Ils sont venus, ils se sont installés en Europe et petit à petit, ils se sont mélangés avec les gens qui étaient déjà là en Europe, qu'on appelle des chasseurs-cueilleurs européens. Et parce que là, il faut préciser qu'évidemment, à ces époques-là, on a du matériau ADN, contrairement à avant et à Néandertal. Là, oui, on en dispose, on a des ressources ADN là suffisantes. Là, on commence à avoir des ressources suffisantes pour retracer plus dans le détail les mouvements de population. Et en fait, la limite, c'est l'argent. Ah, allez-y. Parce que ça coûte cher. Je pensais que c'était de l'argent sur place, l'apparition de l'argent, la monnaie, pourquoi? Non, pas du tout. Pas du tout. La limite, c'est l'argent. Vous savez, on peut l'entendre de diverses façons, Evelyne Ayer. L'argent est la limite de nombreuses choses dans ce monde. Mais en tous les cas, là, c'est la limite de ces études parce que ça coûte quand même cher de faire des analyses d'ADN. Et donc, ce peuplement de l'Europe, eh bien, donc, il y a Homo sapiens et puis il y a Néandertal et puis ensuite, il y a le peuple des steppes qui arrive. Racontez-nous un peu cette mosaïque populaire, enfin, de migration qui finissent par constituer le socle de la population. En fait, si vous prenez un génome européen maintenant et que vous regardez, vous avez une partie qui correspond à des chasseurs-cueilleurs, on va dire, Cro-Magnons, ceux qui peignaient à Lascaux, etc. Une partie de votre génome qui vient des agriculteurs qui sont arrivés du Moyen-Orient au Néolithique. De l'Anatolie, ce dont on parle. De l'Anatolie. Et surprise, une troisième partie qui sont les nomades des steppes, qu'on appelle pour l'instant les Yamnaya, qui viennent à peu près de l'Ukraine, vers le nord, au nord du Caucase, et qui sont arrivés donc à l'âge du bronze, donc il y a environ 5000 ans, et qui se sont mélangés aussi avec les populations européennes qui étaient là. Vous voyez, donc on a tous en nous du nomade des steppes, parce que vous avez du nomade des steppes aussi à l'autre bout de l'Asie, voilà. Et vous voyez, enfin tout ça, on est à peine à la moitié du livre des millénaires. Il y avait encore beaucoup de choses passionnantes dans ce livre. Moi, du coup, évidemment, je ne résiste pas à la tentation de vous poser une question sur une partie d'un chapitre qui va intéresser également l'histoire de notre pays et de notre nation, qui est, vous l'interrogez d'ailleurs au sens très large, c'est-à-dire finalement l'influence de la colonisation et donc de la colonisation culturellement et génétiquement, ces apports-là, est-ce qu'il peut y avoir des liens justement entre bien les populations noires américaines et leurs ancêtres africains. Mais pour parler de la France, vous évoquez dans un chapitre bien la conquête et la colonisation du Canada, et notamment l'exemple des filles du roi qui sont liées parfois bien à des surpopulations, à une politique nataliste très très forte, et puis aussi à quelques maladies. Oui, alors parce qu'en fait, vous avez la colonisation de la Nouvelle-France qui a lieu à peu près au XVIIe siècle. Et finalement, le roi de France, voyant que la colonie ne s'établit pas assez vite et assez bien parce qu'il y a trop d'hommes et pas assez de femmes, va envoyer ce qu'on appelle des filles du roi, qui étaient finalement des orphelines et qui ont été dotées par le roi. C'est-à-dire, elles arrivaient, on leur demandait de se marier, et une fois qu'elles étaient établies, elles recevaient une dot du roi. Et donc, parmi ces premiers colons, il y en a qui ont eu beaucoup d'enfants, dont les enfants ont eu beaucoup d'enfants, qui à leur tour ont eu beaucoup d'enfants, etc. Ce qui fait que vous avez des premiers colonisateurs de la Nouvelle-France qui ont, on a estimé, jusqu'à 10 millions de descendants sur toute l'Amérique du Nord, et ça en seulement 10-12 générations. Et donc, parmi ceux-là, vous avez certaines qui sont des filles du roi. Et alors, le truc, c'est que quand vous colonisez un nouvel endroit et que des gens se reproduisent beaucoup, bah, leurs gènes aussi se répandent beaucoup. Et chaque individu, chaque être humain, on porte des mutations qui peuvent entraîner des maladies, mais on les porte, on dit, sous forme hétérozygote. C'est-à-dire, on les porte qu'on n'en a qu'une copie, et pour être malade, il faut avoir les deux copies, en recevoir une du père et une de la mère. Donc, les individus qui ont eu ces familles qui se reproduisaient beaucoup de génération en génération, les gènes qu'ils ont amenés ont augmenté en fréquence au fil du temps, notamment les mutations des maladies qu'ils portaient. Et ce qui fait que vous avez dans certaines régions du Québec, celles plus à l'est où cette concentration est encore plus forte, certaines maladies qui sont spécifiques de cette région. À l'inverse, comme vous avez eu un effet fondateur, vous n'avez pas amené toutes les maladies qu'il y avait en Europe. Donc ils ont gagné ça d'un côté, perdu de l'autre. Pour conclure, Evgeny Ayer, puisqu'on arrive au bout de cette émission et que j'ai promis qu'on en parlerait, parce que c'est vrai que c'est un peu un effet de mode, qui n'a pas autour de lui ou autour d'elle quelqu'un qui a cédé à la tentation de commander sur internet ces petits tests génétiques pour savoir d'où on provient et quelles sont nos origines. Vous dites qu'il faut tout de même être un peu prudent avec ces tests, parce que on sait pas très bien ni comment ils sont faits, ni à quoi ils sont comparés, et puis ni à quoi données vont être utilisées. Alors, le souci, c'est vraiment, bon, les calculs sont bien faits, hein, les compagnies qui font ça sont des compagnies sérieuses. Le principe, c'est qu'on prend votre ADN, et donc on repart sur cette idée de petits bouts d'ADN, on découpe votre ADN en petits bouts, et chaque petit bout, on le compare à ce qu'on appelle des populations de référence, que chaque compagnie a, qui sont différentes les unes des autres, et sur lesquelles on ne sait pas comment ces populations de référence sont faites. Donc, par exemple, si vous avez tous vos ancêtres du nord de la France, et que la population de référence française de la compagnie que vous utilisez, ce sont des gens du sud de la France, on va vous dire que vous êtes 100% belge. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre avec des pincettes tous ces résultats. Néanmoins, ils sont exacts à l'échelle du continent, hein. Votre pourcentage de génome africain, asiatique, européen, ça va être à peu près concordant d'une compagnie à l'autre. Le souci, c'est effectivement qu'est-ce qu'on fait de vos données, quoi. C'est que quand même, souvent, vous cochez une case qui dit que vous laissez vos données à ces compagnies-là. Bon, pourquoi pas, hein. Je veux dire, c'est pas des gens qui veulent faire du mal, mais c'est quand même des choses qui pourraient après être utilisées de manière pas toujours olé olé, quoi. Il y a quand même un petit souci là-dessus, et je pense que, j'espère que la loi de bioéthique, au lieu d'interdire ces tests que de toute façon des centaines de milliers de gens font, va plutôt réfléchir à comment bien protéger les données des gens qui font ces tests-là. Eh bien, c'est entendu. Merci beaucoup, Evelyne Heyer, d'être venue nous parler de cette odyssée des gènes. Voilà, je vous enjoins de vous plonger dans ce livre. C'est une odyssée passionnante que nous raconte Evelyne Heyer, l'odyssée des gènes. 7 millions d'années d'histoire de l'humanité révélée par l'ADN. C'est chez Flammarion. Merci beaucoup. Merci. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. François Malordi, Eve Etienne, Natacha Trioux, Antoine Beauchamp, Nomina Guetzer-Vulfranc, Céline Lausanne, Alexandra Longué à la réalisation, Pascal Bonin aujourd'hui à la technique. Demain, eh bien, on reprend nos bonnes vieilles habitudes. Vendredi, table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche avec les camarades de la presse et du web scientifique. On parlera du fameux jour du dépassement. Est-ce que c'est bien scientifique tout ça? De notre cœur qui aurait son propre petit cerveau et des progrès en médecine régénérative grâce aux cellules souches. Tout ça, ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.